C'est Chaudière au PTML. Alors. Paris ne vit que pour le bénéfice. On a tous mis un doigt sur le bénévolat. À Marseille, trafic et bénéfice. Si tu cries pas un rail, faut te finir violent. Quand j'ai toujours rêvé tout du violet, parce qu'on savait pas si les mecs allaient durer longtemps. Je les avais prévenus que le parcours serait violent. Qu'elle va manger le béton pour une durée à long terme. Dans le quartier, j'ai dû perdre mon temps. Je tenais pas de CV, donc pas perdre du taf. Hiver, tu charbonnes et tu sens le manteau. Les délayants, je lui en grave peur du staff. Ils seront assis à terre, je serai assis à terre. Ouais, elle s'y voit déjà dans ma poche, elle garde si elle t'aime. Et puis je regarde vos trucs sur un petit Apple. Je me dis que j'ai rien à craindre, je roule un petit après. Je me vénère sur une pile à feu. Et je crache toute la haine sur un titre après. Parfois inutile, je fais que pilonner. Ils savent que tes chances c'était pas rendu. Qu'à pêcher sur le stun, j'ai dû piloter. Mauvaise dégaine, c'était pas l'audi. Allo, allo, répondeur, faut que je me sorte à l'heure. Allez, allez, de chien, faut que je ressorte à l'heure. Allo, allo, répondeur, faut que je me sorte à l'heure. Allez, allez, de chien, faut que je ressorte à l'heure. J'ai connu la misère, mes mecs ne tiennent jamais longtemps. J'aurais tout promis, le béton à long terme. Je rencontre le bénéfice juste pour voir si j'ai perdu mon temps. Retrouve le sourire que ton gérant te dit à l'effet. Là où ça vile, des barrettes empilées. Pour l'eau, ça la file. Platier à vos dîners. De coups, tu sens bien qu'on est près du score. Le prolique en vision, les faits, on fait pas du skate. Bouillant, je suis gros, c'est pas du sgar. Pas ton bout de jeu, pourtant pas du sgar. J'ai vu la police là où pas il sgar. Donc le bosseur, faut même pas il secourt. Tu me connais, fils de monte le son. Je viens de là où les petits te disent, je monte la selle. En cours, y'avait pas de morceau dans ta chasse en la drogue, fallait que je te monte la selle. T'appelles tardivement, donc un monte la selle. Vends le polo sur la langue de Guy mon passant. Sur un scooter connu, les decks me chassaient. Dans le balago de police, je deviens mon patient. Sur le de montagne, souvent je barre dans la nuit. Sous verre pour s'atteiner, ça crie les méchants, on rentre dans la niche. Allo, allo, répondeur, faut que je me sorte à l'heure. Allez, allez, de chien, faut que je ressorte à l'heure. Allo, allo, répondeur, faut que je me sorte à l'heure. Allez, allez, de chien, faut que je ressorte à l'heure. J'ai connu la misère, mes mecs ne tiennent jamais longtemps. J'aurais tout promis, le béton à long terme. Je rencontre le bénéfice juste pour voir si j'ai perdu mon temps. Retrouve le